Chapitre 8e. Arthur Arrête, après son expédition infructueuse, était rentré dans son appartement. L'étude à laquelle il se livra avec ardeur ne pouvait cependant lui faire oublier les événements passés. Les journaux qu'il lisait habituellement ne l'intéressaient pas, et en parcourant machinalement le Times, il fut frappé des détails donnés par cette feuille sur un crime commis le lendemain même de sa rencontre avec Dezille. Le petit village de Barnley, écrivait le reporter, et dans la consternation. Un crime affreux vient d'y être commis. Une jeune femme qui habitait Barnley depuis plusieurs années a été assassinée dans son logement. Une barre de fer servant à former les volets de la maison, trouvée à côté du cadavre, paraît avoir été l'instrument du meurtre. La victime n'avait que 26 ans. Sans être jolie, elle était gracieuse, et son caractère doux l'avait fait aimer de tout le village. Elle vivait honnêtement de petits ouvrages de lingerie qu'elle vendait aux petits boutiquiers de Windsor, et aussi d'une pension modique qui lui était servie par son mari, toujours en voyage, que l'on n'avait jamais vu et que l'on croyait être un marin. Le corps de la pauvre femme était déjà froid lorsqu'il fut découvert, le soir, par la propriétaire de la maison, revenant chez elle après sa journée d'ouvrier terminée. Le vol avait dû être le mobile du crime, car une montre d'argent avait disparu. Une boîte dans laquelle la victime renfermait ses économies était fracturée et vide. On soupçonne que l'auteur du meurtre est un vieillard, ayant l'apparence d'un colporteur et qui, dans l'après-midi, avait demandé dans un cabaret du voisinage quelques renseignements sur la jeune femme qu'il avait désignée par son nom. Grand, sec, aux longs cheveux gris avec une barbe de la même couleur, portant une redingote sale, usée d'un gris verdâtre, le visage caché sous les bords de son feutre, le personnage sera facile à retrouver. « Mais c'est mon homme !» c'est qu'elle avouait. Quel rapport peut-il exister entre le révérend de Marston et cet assassin ? Car Dezille n'est pas le coupable. Le voile paraissant le mobile du crime, il a de quoi devenir fou. Arthur Arrête pensa que le meilleur moyen pour essayer de pénétrer ce nouveau mystère était d'aller à Barnley, et il s'y rendit immédiatement. Mais là, il n'apprit rien d'utile. Les oisifs, selon la coutume en province, discutaient les circonstances du crime. Les uns ne voyaient là qu'un assassinat vulgaire. D'autres, au contraire, affirmaient que l'âge de la victime pouvait ouvrir le champ à des suppositions différentes. Un amour contrarié, une vengeance de mari. L'avoué regagna Londres et à la fin de la journée, il reprenait sa place dans son cabinet. Les journaux du soir lui donnèrent cependant le mot de cette énigme qu'il désespérait de deviner. Des gamins avaient trouvé dans un ruisseau près de Barnley une perruque et une barbe grise, le tout noué dans un vieux mouchoir de coton rouge. À n'en pas douter, l'assassin avait pris un déguisement et pour Arrête, sous ce déguisement, se cachait Dezille. Le révérend de Marston, le fiancé, bientôt le mari de Cécilie, n'était qu'un meurtrier. Les motifs de son épouvantable action n'étaient pas à rechercher pour le moment. Sans perdre une minute, il fallait, s'il en était temps encore, mettre obstacle au mariage qui se préparait, et dans ce but, l'avoué n'hésita pas à dénoncer le coupable au directeur des investigations criminelles de Scotland Yard.